Salut, salut, c'est Radio Cayenne. En attendant de pouvoir reprendre des vraies émissions, je vous propose un petit podcast pour parler d'antique carcérale. Et du coup, je voulais commencer par vous lire un extrait du journal Yo-Yo, dont le numéro 0 est sorti en juin 2018. Ça fait un A3 recto verso plié en 3, qui est disponible en fait, téléchargeable sur internet, notamment sur certains sites mutuques comme Paris Lutte Info ou bourrasqueinfo.org. Voilà, donc je vous recommande de la lecture de ce journal qui est chouette. Et je vais vous lire en fait l'article qui s'appelle Quand les murs craquent, avec craque CRA écrit en gros parce que ça parle des centres de rétention administrative. Donc je vais vous lire cet article. Enfermer les étrangers, étrangères pour mieux les expulser. C'est cette logique carcérale que suit l'État depuis la création des centres de rétention administrative et qu'il n'a cessé de renforcer depuis. Aujourd'hui, l'État se dote de moyens pour expulser plus de demandeurs-demandeuses d'asile en s'appuyant principalement sur le règlement européen Dublin, selon lequel une personne ne peut demander l'asile que dans le premier État où son passage a été enregistré. Des mesures spécifiques sont donc prises pour contrôler et enfermer les Dublinés. À l'été 2017, ont ouvert les premiers centres du dispositif PRADA, Programme d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, géré par Adoma. C'est une entreprise qui gère aussi des foyers de travailleurs migrants. Donc ce dispositif où il et elle peuvent être assignés à résidence avant leur expulsion avec des obligations de pointage au commissariat, souvent quotidien. Une des fonctions principales de ces centres est de faciliter le sale boulot des flics qui y font régulièrement des arrestations. Au Prada de Pau, la PAF, Police aux frontières, a même un local à l'intérieur. Avec la nouvelle loi Asile-Immigration, l'assignation à résidence pourra s'étendre sur une durée de 10 heures par jour, soit un véritable enfermement à domicile. Mais pour l'État, le plus efficace pour s'assurer de l'expulsion des indésirables reste l'enfermement en CRA. Une loi promulguée en mars dernier permet désormais au préfet d'envoyer des Dublinés en CRA avant qu'une décision d'expulsion n'ait été prise. Sachant que la nouvelle loi allonge la durée maximale de rétention de 45 à 90 jours. Mais dernièrement, certaines ont montré qu'il sera toujours possible d'enrayer cette machine à enfermer et expulser. Plusieurs ont réussi à franchir les murs et arracher leur liberté. Le soir du 31 décembre dernier, à l'aide d'un badge égaré par un flic, 17 personnes s'évadent du CRA de Vincennes par une issue de secours, pendant que leurs gardiens sont occupés à trinquer. Quelques jours plus tard, 10 autres arriveront à s'envoler, dont une partie en tapant dans une porte mal refermée. Fin avril à Paris, c'est lors d'un transport médical pour des soins à l'hôpital que quelques-uns se sont échappés. Et puis très récemment, 3 retenus ont réussi à s'enfuir du CRA de Favra, en périphérie de Genève, après avoir scié les barreaux de leur cellule, être descendus en rappel depuis leur fenêtre avec leurs draps et avoir découpé des barbelés, le tout sans que les matons ne soient alertés. D'autres qui refusaient de changer de secteur se sont révoltés à l'intérieur du CRA de Cornebarieux, près de Toulouse, le 20 mai dernier. Ils ont obstrué le regard indiscret des caméras avec des draps et il y a eu un début d'incendie. Des renforts de la PAF ont été sollicités pour faire face à la mutinerie. 2 flics au moins ont été blessés et 4 personnes placées en garde à vue, tandis que d'autres détenus du CRA ont été foutus à l'isolement. À l'extérieur enfin, du côté de Lyon, certaines ont souhaité rappeler durant cette dernière semaine de mai leur opposition au centre de rétention. Un pont sur la route du CRA de Saint-Exupéry a été repeint avec l'appel « Fermons les centres de rétention », alors qu'ont été tagués et recouverts de peinture rouge des locaux de Vinci et Honnête, collabos à l'enfermement des étrangers étrangères. Un joli Vinci s'écrade, avec CRA écrit en majuscule, a fleuri sur la façade du local de l'entreprise. Un appel à multiplier ce genre d'initiative a été publié sur le site rebellion.info. Voilà pour ce premier article du journal Yo-Yo. Et du coup, moi je le trouvais très intéressant, non seulement parce que ça nous rappelle un petit peu aussi c'est quoi les centres de rétention et c'est quoi qu'a changé là avec la loi Asile-Immigration, avec le dispositif Prada aussi, la rétention qui est augmentée, tous ces trucs-là. Et puis c'est bien parce que ça, c'est réjouissant, ça nous parle un peu aussi des résistances qu'il peut y avoir dans les centres de rétention et des évasions, parce qu'on n'en parle pas souvent et c'est pas souvent connu. Et d'ailleurs, j'avais envie de rajouter des informations par rapport à ça. Vers décembre, il me semble, on lisait le journal et dans les faits divers du Ouest France, qu'est-ce qu'on a trouvé? Eh bien, une évasion du centre de rétention de Rennes. Donc voilà, il y a eu aussi des évasions du centre de rétention de Rennes, qui est le centre de rétention où sont envoyés les gens de la région de Nantes qui se font arrêter. Et donc voilà, il est aussi possible de s'évader de Rennes, visiblement. Voilà quelque chose qui est rassurant. Et puis autrement, j'ai aussi lu des nouvelles du centre de rétention de Sète. Mais du coup, c'est normal que Yo-Yo en parle pas, parce que c'était au mois de juin. Les informations concernant le centre de rétention de Sète, vous pouvez les retrouver soit sur Marseille Info Autonome, soit sur Le Pressoir, qui est aussi un site d'info autonome de Montpellier. Du coup, ce qui s'est passé là-bas, c'est qu'il y a eu une grève de la faim en fait, entamée par plusieurs détenus, enfin retenus du centre de rétention. Et du coup, il y a un collectif qui s'appelle Excradition. Général même, et qui du coup en fait soutient les luttes en centre de rétention et tout ça. Et il y a eu aussi des gens de l'extérieur, des gens de ce collectif à se mettre en grève de la faim en soutien. Ils ont fait aussi plein de rassemblements, etc. Et voilà, en fait, ils disent des grèves de la faim en centre de rétention, il y en a souvent, enfin, il y en a régulièrement, mais on le sait pas toujours. Et que eux, du coup, leur rôle en tant que collectif, c'est justement de soutenir les luttes des gens qui sont à l'intérieur, de dénoncer en fait la rétention administrative, et de voilà, leur revendication, c'est en finir avec la traque, le harcèlement, l'enfermement, la déportation systématique des étrangers sans papier. Et aussi, ils ont essayé de porter la parole en fait des gens qui sont en centre de rétention, aussi pour dénoncer des mauvais traitements, parce qu'apparemment, il y en a qui reçoivent des coups, qui sont un peu maltraités à des moments. Je crois qu'à un moment, la grève de la faim s'est juste arrêtée et tout ça, mais quand même, c'est assez chouette de voir que ce genre de mouvement existe. Et il disait aussi que c'était très difficile de recevoir des visites, enfin, fallait justifier que tu es de la famille pour pouvoir visiter, que des fois, il y avait des défauts de soins aussi, enfin bref. Voilà pour les centres de rétention, et du coup. À faire une petite pause. Et la lumière ne peuvent pas atténuer un arrière-goût amer. Je ne remettrai jamais, jamais ma tenue prévoyée, jamais. Je suis, j'en ai évadé, et je sais ce qui m'attend. Je me fais coincer, j'en prendrai pour très longtemps. Quand j'ai mon temps fermé, j'étais jeune et innocent. Je suis un des bannis qui n'auront jamais vivant. Je ne remettrai jamais, jamais ma tenue prisonnier. Alors, on vient d'écouter Nuclear Device, Je suis un évadé. Je vais continuer la lecture du journal anticarcéral Yo-Yo. Du coup, en vous lisant un extrait de l'article Toulouse, briser l'isolement, dedans comme dehors. Le 14 avril 2018, J meurt à la prison de Seyss, à côté de Toulouse, au Mitard, quartier punitif de la Tôle. Alors que l'AP, administration pénitentiaire, dit qu'il s'est suicidé, il a été tué de leurs propres mains. Suite à sa mort, plus d'une centaine de personnes ont bloqué la promenade dès le 15 avril, refusant de retourner en cellule plusieurs jours de suite, et ont déployé une banderole dans la cour. Les ERIS, Maton pour mater les révoltes, plutôt CRS, sont intervenus. Le 19 avril, des détenus font sortir un communiqué qui relate les coups que lui ont portés plusieurs surveillants pendant une demi-heure et les discussions qui ont suivi pour masquer leur assassinat. Il dénonce également les brimades, les insultes, le racisme, les passages à tabac par les matons, l'humiliation, le chantage, la répression de leurs mouvements collectifs, les transferts disciplinaires et l'isolement. Les détenus ayant entendu les coups ont subi des pressions de l'AP et 5 ont été transférés dans d'autres prisons loin de leurs proches. Dehors, dès le 15 au soir, plusieurs nuits de révolte ont eu lieu dans différents quartiers de Toulouse. Affrontements avec les flics, voitures brûlées, etc., avec plusieurs arrestations et comparutions immédiates. Il y a eu aussi des banderoles dans la ville, le 16, et un rassemblement à Toulouse en solidarité avec les inculpés des révoltes du dehors et en mémoire aux détenus morts en prison. Un mois plus tard, malgré les pressions de l'AP pour retrouver les détenus qui avaient fait sortir le premier communiqué, des prisonniers ont publié un deuxième communiqué, évoquant un suicide ayant eu lieu le même jour que la mort de J. Ce détenu est mort après 2 jours passés dans le coma. En novembre 2017, 2 personnes avaient déjà été trouvées mortes au mitard de Seyss. Il semble que l'une d'entre elles soit aussi décédée sous les coups des matons. Mais que ce soit un suicide, un tabassage, un défaut de soins, c'est toujours la prison qui tue, parce qu'il n'existe pas et n'existera jamais de bonne prison. Faire sortir des paroles de l'intérieur, se solidariser à l'extérieur avec les détenus qui se révoltent, c'est tenter de briser l'isolement voulu par l'État, sa justice et ses prisons. Voilà, là encore, je trouve qu'il est chouette cet article parce que mais c'est vrai qu'on n'entend jamais parler en fait des assassinats commis en prison par l'administration pénitentiaire et que c'est toujours le flou et l'omerta autour de ça parce qu'ils font toujours passer ça pour des suicides, des accidents, des morts naturelles, crise cardiaque ou je sais pas quoi. Et bref, c'est chouette du coup un journal qui parle enfin de ça. Je vais lire pour terminer le petit encart qui parle des morts en prison. Depuis janvier 2018, au moins 32 personnes sont mortes en tôle de suicide, entre guillemets, ou mort suspecte. À Fresnes, Laon, Marseille, Nantes, Angers, Arras, Châlons-en-Champagne, Épinal, Fleury-Mérogis, Lunetz, Lyon-Corbas, Mesqueleux, Nice, Niort, Rouen, Seyss. Si je prononce pas bien, je suis désolée. Et rien qu'au mois de mai 2018, 2 femmes sont mortes à la prison de Nancy. Il est difficile, voire impossible, d'obtenir d'autres informations que celles parcimonieusement lâchées par l'administration pénitentiaire. Ces infos sont très souvent erronées et s'attardent plutôt sur le mal-être des matons-matones. De son côté, la presse se plaît à dérouler les détails sordides de certains décès de détenus sans en considérer la véritable cause, l'incarcération. Après, il y a aussi, du coup, sur le site de l'Envolée, l'envolée.net, des infos plus récentes qui parlent de morts dans la prison de Fleury-Mérogis. Du coup, je suis tombée sur un extrait d'un prisonnier qui explique un peu les conditions de détention, etc. Et les morts, là, dans cette prison, et qui dit « Les événements tragiques survenus ces dernières semaines auraient dû mobiliser et interpeller les plus hautes autorités, car 11 personnes sont mortes à Fleury. 8 prisonniers, on l'a su et ça a été annoncé dans la presse, et 3 autres dont personne n'a... Enfin, il n'y a pas eu d'écho à l'extérieur. » Donc voilà, c'est un article. Enfin, ces propos-là, ça date... Enfin, ça a été publié le fin juillet par l'Envolée. Et du coup, il y a aussi un article qui explique une de ces morts. Donc LH, qui avait 21 ans et qui était libérable en septembre. Qui revenait de parloir, qui s'était bien passé et qui, du coup, a priori... a été roué de coups dans sa cellule par des surveillants placés au quartier disciplinaire. Et du coup, c'est là qu'il a perdu la vie, quoi. Il y a eu une réaction. 64 prisonniers ont refusé de remonter de promenade, etc. Et puis, il y a 6 prisonniers qui ont été placés au quartier disciplinaire suite à ça. Il y a eu les ERIS qui sont intervenus, tout ça. Et donc, c'est assez fou, quoi. Et donc après, il reparle effectivement du communiqué des prisonniers de Seyss dont on a parlé précédemment, etc. Donc je vous recommande aussi la lecture, bien sûr, de L'Envolée, qui est un journal anticarcéral très chouette, qui est en ligne aussi sur l'envolée.net. Voilà, donc beaucoup de morts en prison. Et ben, crève la tôle, quoi. On écoute un peu de musique. Enfermé. On vient d'entendre Entre quatre murs de J'aurais voulu, et maintenant du coup j'avais envie de vous parler un petit peu du plan gouvernemental là pour construire des nouvelles prisons, et pour ça j'avais envie de vous présenter un autre 4 pages qui s'appelle 15 000 bonnes raisons de plus de se révolter. Et j'essaierai du coup de mettre un lien pour que vous puissiez le télécharger et le lire, qui est un chouette 4 pages. Et donc qui explique effectivement que d'ici 2027, il y a 15 000 places qui devraient être construites en prison. Et du coup, je vais vous lire une petite partie qui s'appelle « La vieille arnaque de la surpopulation ». Des nouvelles prisons pour lutter contre la surpopulation. Et merde, on avait bien senti le coup fourré quand Valls et Urroy s'étaient émus en août 2016 des conditions de détention dans la prison de Nîmes. 490 détenus pour 180 places. Pareil quand les politicards avaient osé expliquer les récentes mutineries dans les tôles de Poitiers et de Valence par la seule et unique raison de la surpopulation. Comme si être enfermé seul était acceptable. Comme s'il fallait seulement ajuster l'enfermement pour que tout le monde soit content. Mais c'est clair, être entassé à 3 ou 4 dans une cellule 22 heures par jour, c'est ignoble. Pour autant, quand l'État utilise cet argument pour augmenter la capacité d'encellulement, c'est carrément du foutage de gueule. Il suffit de jeter un œil sur ces 30 dernières années pour voir que ce vieil argument a déjà été usé jusqu'à la corde, et que pas loin de 30 000 cellules n'ont en rien servi à faire baisser les chiffres de la densité carcérale. Même les sociologues l'ont compris. S'ils construisent plus de cellules, c'est pour en fermer plus, et pas parce que les politiciens s'inquiètent tout d'un coup du bien-être des détenus. Cela va de pair avec un durcissement général des lois du système judiciaire. Depuis plusieurs années, les sentences tombent pour tout et n'importe quoi, et la longueur des peines s'allonge d'une manière hallucinante. Il est aujourd'hui tristement banal de prendre du ferme pour un petit vol, un outrage, une conduite sans permis. Sans compter les dites peines alternatives, qui ne sont pas venues s'opposer à l'enfermement pur et dur, mais s'y ajouter, élevant le nombre de personnes sous sanction judiciaire à des niveaux encore jamais atteints. Tout cela n'est pas le fruit du hasard, mais de politiques qui maintiennent ce monde inégalitaire. À ce discours sur la surpopulation vient s'ajouter celui de l'idéal de l'encellulement individuel. Évidemment, ce n'est qu'un leurre. La nouvelle maison d'arrêt de Valence en est un bon exemple. Inaugurée à l'automne 2015, les circuits et prises électriques sont prévus pour des occupations de cellules à 2 personnes ou plus. Ce but à atteindre depuis 1875, autant dire toujours, est probablement une déclaration d'intention servant à légitimer les nouvelles prisons. Et à nous prendre pour des imbéciles au passage. On voit gros comme une maison comment cet idéal vient renforcer le mouvement d'isolement des détenus, de compartimentation des espaces, etc. Mouvement qui répond bien plus à des logiques sécuritaires et à la volonté de faciliter la tâche de la matonnerie qu'au bien-être inatteignable par définition des personnes enfermées. Le bluff est grossier. Construction de nouvelles prisons et amélioration des conditions de détention n'ont qu'un but. Perfectionner cet outil carcéral nécessaire au maintien de l'ordre moral et économique qui bénéficie aux classes dominantes. Voilà, je vous conseille donc la lecture de ce chouette 4 pages. Je crois que j'avais pas grand chose d'autre à dire de plus que sinon que, ben oui, en fait, il va y avoir des nouvelles prisons construites un peu partout et potentiellement il va y en avoir aussi près de Nantes et que. Bah, c'est intéressant de se tenir informé et peut-être voilà quoi de lutter contre cette construction de nouvelles tôles. Tiens, et d'ailleurs, pour vous parler plus d'infos locales, je vais vous lire un article paru sur indymedia.org. Du coup, c'est une brève sur un parloir sauvage à la prison de Carquefou qui dit hier soir. Le jeudi 2, vers minuit, nous sommes allés faire un parloir sauvage devant les murs de la prison de Carquefou. Il y avait déjà des gens de l'intérieur près des fenêtres et d'autres aussi ont répondu quand nous avons commencé à gueuler. Avant de partir, nous avons tiré un feu d'artifice, le feu d'artifice tant réclamé. Soutien à tous les prisonniers prisonnières, crève la tôle et ses matons. Et du coup, voilà, c'était pour dire qu'il y a des parloirs sauvages autour de Carquefou. Et qu'il y en a eu plusieurs dans cet été. Et voilà pour Nantes. Et pour finir, je voulais vous lire un appel à rassemblement à Paris. Bon, alors c'est sûr, c'est à Paris, et c'est samedi prochain, samedi 8 septembre, à 14h, place des Fêtes, métro 11. Et je vous lis l'appel, rassemblement de solidarité avec les prisonniers, prisonnières en lutte contre toutes les prisons. Pas une semaine ne se passe sans que la question de la tôle ne soit affichée dans les médias. Évasion plus ou moins spectaculaire, question de la radicalisation, des décès à répétition qu'on explique simplement par la surpopulation carcérale, etc. Comme si le vrai problème n'était pas l'enfermement et les matons, mais juste un souci d'organisation. Cette surmédiatisation prépare le terrain pour nous faire gober la pilule de la future réforme pénitentiaire. L'État prévoit entre autres la création de 7000 places supplémentaires à l'ombre avant 2022. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est dans ce contexte que la maison d'arrêt de la santé a récemment été rénovée et sera fonctionnelle dès cet hiver. Qu'on ne s'y trompe pas, dans la prison, il n'y a rien à réformer. Elle est toujours là pour enfermer celles et ceux qui ne rentrent pas dans le rang, celles et ceux qui refusent l'exploitation. Afin de nous contraindre à nous soumettre à leurs règles, ils asservissent, humilient, frappent et tuent jour après jour. Ces derniers temps, on pense notamment à Jawad, tué par les matons de la MA de Seyss en avril, et à Lucas, tué en juillet dans les mêmes circonstances à Fleury-Mérogis. Ces soi-disant suicides ont tout de suite été dénoncés par les autres prisonniers qui ont refusé de réintégrer leurs cellules en protestation contre ces meurtres à peine déguisés. L'écho s'est aussi fait sentir à l'extérieur, de jour comme de nuit, aux abords des prisons ou dans les quartiers où de nombreuses personnes ont exprimé leur solidarité. Ailleurs, dans les tôles américaines, la résistance est vive depuis le début de l'année. En janvier, des prisonniers se sont mis en grève contre le travail forcé en tôle dans au moins 7 prisons de Floride. En mai et juillet dernier, deux prisons du Missouri ont connu des émeutes pendant lesquelles des prisonniers ont détruit des bâtiments. Et depuis juin, des prisonniers et prisonnières de tous les pays ont appelé à une grève nationale entre le 21 août et le 9 septembre 2018 contre l'esclavage en prison. Parce que l'enfermement nous concerne tous et toutes, à l'intérieur comme en dehors des murs, parce qu'il peut nous toucher, nous ou nos proches, parce qu'on pense que ça ne solutionne rien du tout et parce que se révolter contre cette société est une nécessité, nous appelons un rassemblement à Place des Fêtes le 8 septembre à 14h. Voilà, donc ça résume un petit peu ce qu'on venait de dire avec des infos en plus, et du coup on se quitte avec une chanson une chanson que je mets un peu en dédicace aux camarades qui se reconnaîtront, et désolé pour ceux qui supportent pas l'autotune, c'est Imal arrivant. Poser dans le périmètre, faire du cachet volontaire, son scooter j'en délimère. On satisfait la ville entière. J'ai des potes enfermés, mais tu sais que j'aimerais bien les délivrer. Les concurrents sont terrifiés quand ils m'aperçoivent mon délivré. J'ai blessé, j'en ai pas l'air. Bronzé sous soleil, tout proche de Palerme. Zizi logé dans leur palais. Ramène-moi du shit, je supporte moi l'air. Je veux pas finir aux arrivants. Je vois les petits, le béton dérivé. Les dégâts de la rue sont affligeants. Regarde nos amitiés sont déchirées. Je veux pas finir aux arrivants. Je vois les petits, le béton dérivé. Les dégâts de la rue sont affligeants. Regarde nos amitiés sont déchirées. J'en ai bu des labels avant d'en trouver un. On me dit wesh, pour toi c'est chaud comment? Tout ça c'est trop faible. Sur ma route comme t'as pu le voir, mon sauce, j'ai dû en trouver un. DIM au niveau de la patate, gros t'as pas trouvé mieux. Prouvez un, c'est ce que je fais du cap depuis le rapport 2. Rapporteuse, j'suis dans le cul ta us, gros si ça rapporte 2. Rapide, tu faisais le loup, bientôt tu finis chapoté. J'ai grandi dans la rue, mais ta capuche, gros finis de rapoter. J'veux pas finir aux arrivants. J'vois les petits, le béton dérivé. Les dégâts de la rue sont affligeants. Regarde nos amitiés sont déchirées. J'veux pas finir aux arrivants. J'vois les petits, le béton dérivé. Les dégâts de la rue sont affligeants. Regarde nos amitiés sont déchirées. J'suis bloqué dans le mal, j'suis bloqué dans le mal. Igo fait la maille, Igo fait la maille, aïe aïe. J'suis bloqué dans le mal, j'suis bloqué dans le mal. Igo fait la maille, Igo fait la maille, aïe aïe. J'suis bloqué dans le mal, j'suis bloqué dans le mal. Igo fait la maille, Igo fait la maille, aïe aïe. J'suis bloqué dans le mal, j'suis bloqué dans le mal. Igo fait la maille, Igo fait la maille, aïe aïe. J'veux pas finir aux arrivants. J'vois les petits, le béton dérivé. Les dégâts de la rue sont affligeants. Regarde nos amitiés sont finir aux arrivants. Les dégâts. mal, j'bloquais dans le mal. Et go fait la maille, go fait la maille, aïe aïe.